tanguer sur le parquet ciré. Les violons, ça fait rêver. Les yeux dans les yeux, fais-les tourner. Et fais-toi désirer. Toi qui connais si bien le cœur des femmes, tous les mots qui les enflamment, celles qui le temps d'un tango se lament, frémissant et parfumée. Toi tu sais où les trouver, les divas du dancing. Jamais dans les discos, les fans du saxo, les fêlés du passo, celles qui pensent encore au temps du Mikado, les divas du dancing, les divas du dancing. Danse, entends-tu leur désir murmurer? Le bandeau, ça fait rêver. Fais-les mourir le temps d'un baiser, sans l'ombre d'un palmier. Toi qui fais brûler la chair des femmes, sans jamais donner ton âme à celle qui sous ton regard se pâme, frémissante et parfumée. Toi tu sais où les divas du dancing, les divas du dancing, corps serré, cœur glacé. Elles gardent de toi un peu de bonina sur le bout de leurs doigts quand elles ont caressé cette nuque bleue qu'elles aiment t'embrasser. Les divas du dancing, les divas du dancing, sans jamais donner ton âme, sans jamais verser de larmes, larmes, larmes. Les divas du dancing, les divas du dancing, les cinglés du mango, celles qu'on ne verra jamais dans les discos, les cinglés du mango, les fanas du saxo, les fanas du saxo, les fêlés du passo, les fêlés du passo, du passo, celles qui pensent encore au temps du Mikado. Jamais dans les discos, les cinglés du mango, les cinglés du mango, les fanas du saxo, les fêlés du passo, du passo, celles qui pensent encore au temps du Mikado, les cinglés du mango, les divas du dancing, les fanas du saxo, les divas du dancing, les fêlés du passo, du passo, celles qu'on ne verra jamais dans les discos, les cinglés du mango, les fanas du saxo, les fanas du saxo.